Utérus du 1-1, donc les deux, 4252, plus le stock final, il est de combien? 7. Il est de 5000, je mise pas. Donc, et j'ai un petit peu le stock moyen de marchandises qui est égal à 4626. D'accord? Donc, j'ai déterminé un petit peu la valeur du stock moyen de marchandises. Et j'ai achat revendu de marchandises. Achat revendu de marchandises. Donc, je cherche la valeur. Achat revendu de marchandises, il est de 30250. Donc, je remplace chaque élément par sa valeur simplement dans la formule. On l'a reçu, le ratio. Donc, c'est 4626 sur 30252. Et je multiplie par 360 jours, bien sûr, pour avoir tout en jour. C'est bon? Donc, j'ai une durée de rotation des stocks qui est de 55 jours. Est-ce que vous avez compris ou non? Je prends la formule. La formule, c'est donné. C'est comme ça. D'accord? Normalement, vous devez déjà voir ça en analyse financière. Mais vous l'avez pas vu, le pourquoi, l'âge, etc. Les détails, je ne vais pas entrer dans ces détails. Donc, vous avez les formules. Donc, la formule, vous avez durée de rotation des stocks. Elle est égale à stock moyen de marchandises sur achat ou vendu de marchandises. Et je multiplie par 368. Donc, pour déterminer le stock moyen, on connaissait déjà la formule stock initial ou stock final sur eux, parce que je veux calculer le stock moyen. Et je le remplace avec sa valeur, donc le ratio. Pour achat revendu de marchandises, je l'ai condamné. Le cinquième donné, c'est 30250. D'accord? Et je remplace dans ma formule du ratio. Oui, parce que pour le moment, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne vends pas, je ne fais rien. Ce ne sont pas d'accord. Ce n'est pas l'entreprise qui va la garder, de toute façon. D'accord? C'est la TVA, c'est un corps. Si je vends en TTC, je ne vais pas la garder. Ce que je fais, c'est comme intermédiaire. Au lieu que l'État passe auprès de chacun de vous, vous avez acheté cette veste, donnez-moi la TVA. Vous avez acheté ce manteau, vous avez acheté ce gâteau, etc. Donc, c'est l'entreprise qui fait l'intermédiaire. Donc, il paye. Un petit peu, elle récupère cette aide. Donc, on vend dans le TTC, elle prend cette valeur et la verse à l'aide. Donc, c'est pas quelque chose que l'entreprise gagne, car elle est comme intermédiaire entre le consommateur final, vous allez voir ça en fiscalité, et l'État. Je ne fais plus le travail intermédiaire. D'accord? Donc, là, je suis au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui vient dans mon entreprise? Déjà, pour le stock moyen et tout ça, donc je l'ai contenté. Donc, je prends je prends mon affaire, ça. D'accord? Parce que c'est pas. J'ai pas vendu, j'ai pas acheté. Quand je passerai, on voit, etc., je prends mon TTC, les montants, mon TTC. Mais là, c'est l'intérêt de mon entreprise. C'est une charge, si vous voulez, que je suis de l'entreprise. Et même si j'achète moi aussi auprès du fournisseur, pour verser à l'État, je prends ce que j'ai, parce que même mon fournisseur, c'est une société. Donc, elle me vend mon TTC. Donc, ce que j'ai versé à mon fournisseur, je vais le récupérer parce que je vendu à mon client. Donc, ce que TVA facturé, moi, TVA récupéré. C'est la différence que je donne à l'État. S'il est positif, bien sûr, c'est les négatifs ou c'est les crédits. Un écart, c'est l'État. La prochaine fois, je vais détruire ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà. Donc, voilà pour le premier ratio, si vous voulez. Donc, je commence par le stock. Donc, ratio de stock, je prends la formule, j'essaie de calculer un petit peu les différentes composantes. Durée de crédit client, ou si vous voulez, les créances. Donc, j'ai pris la même formule. Donc, durée de crédit client, c'est en pour le client sur vente en TTC. Parce que là, je vais vendre. Bien sûr, je facture en TTC. D'accord? Donc, je vais prendre ça en considération, mais c'est pas annulé par la suite. Quand je vais sauter un petit peu les ventes. Mais c'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Donc, je récupère par 360. Donc, pour en cours client, c'est-à-dire tout simplement le compte client et compte rattaché. Donc, client et compte rattaché, j'ai ici 1500. Donc, je prends la donnée directement, je l'ai condamnée, donc je n'ai rien à calculer. Maintenant, pour la vente, j'ai chiffre d'affaires, j'ai le chiffre d'affaires en hors taxe, donc je dois calculer en TTC simplement. Est-ce que vous avez compris? Je l'ai en hors taxe, je dois calculer le TTC parce que dans le ratio, j'ai les montants en TTC pour les ventes. dans mon temps de TTC, donc je prends les 32 774 et je multiplie par 1,2, d'accord? J'ai le montant en TTC. Et je remplace, donc, c'est-à-dire chaque élément avec sa valeur dans le ratio. Donc chez, pardon, s'il vous plaît. Donc 6500 sur 39328,8 parce que c'est ce que j'ai obtenu en multipliant par 1,2 et je multiplie par 360 joules. Donc comme ça j'ai la valeur un petit peu si vous voulez. Et puis en écrit que je donnais mes créances, au lieu de l'avoir en unité monétaire, je les ai en jours. Est-ce que c'est clair? Mon objectif c'est de traduire tout en jours. Parce que ces éléments-là, ce sont les composants tout simplement de l'action circulante et par la suite de la passion circulante. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Mon objectif, c'est quoi? L'exploitation. Le besoin de fonds pour l'exploitation, il est égal à quoi? C'est l'actif circulant moins le passif circulant. Moi, je veux avoir le besoin de fonds de roulement, pas en dira, etc. C'est mon objectif par la suite. Mais maintenant, on va être à l'intermédiaire en jours, chiffre d'affaires. C'est-à-dire, je dois calculer le BFR avec un coefficient par chiffre d'affaires. D'accord ? Je ne peux pas le faire directement, donc je vais passer par les composantes de l'actif circulant. Donc les différentes composantes de l'action circulante ou pas circulante. Donc j'ai le stock en départ par exemple. Donc j'ai besoin de l'avoir en jour. Je suis en train d'homogénéiser un petit peu les choses. Est-ce que j'ai des éléments en face, est-ce que j'ai des TTC, mais des trucs un petit peu sur la base du chiffre d'affaires, et c'est pas homogène les éléments pour faire des prévisions. Pour cela, j'ai besoin d'avoir une seule unité, c'est-à-dire en jour, chiffre d'affaires. Pour le moment, en jour. En ajoutant, en calculant le coefficient de pondération, donc le pourcentage de cet élément selon le chiffre d'affaires. Pour le moment, je calcule tout en jours. Est-ce que vous avez compris? Pour le faire, j'ai des ratios. Donc pour le stock, voilà le stock, un petit peu le ratio du stock, et je dois savoir, est-ce qu'il s'agit de marchandises? Donc je suis une entreprise commerciale, donc je prends le premier ratio, celui de marchandises. S'il s'agit d'une entreprise de production, automatiquement je vois une matière première. Nous savons que c'est clair, je prends la matière première, je les transforme en avoir produit. D'accord? Donc je dois calculer le stock de matière première et le stock de produit en jour. Est-ce que vous comprenez? Donc j'essaie un petit peu de calculer plus en jour, toutes les éléments. Donc j'ai calculé la durée de rotation des stocks, j'ai calculé la durée des créances, je dois passer maintenant à la dernière, c'est la durée de fournisseur. D'accord? Parce que ce sont les ratios que je vous ai donnés. Pour le stock, j'en ai trois. Marchandises pour l'entreprise commerciale, stock matière première et produits finis pour l'entreprise de production. J'ai le deuxième, si vous voulez, élément, c'est le stock, pardon, c'est la durée de créance, crédit client. Et le troisième, le dernier, c'est la rotation, si vous voulez, ou la durée fournisseur. Donc maintenant, pour la durée du fournisseur, la formule, c'est la même. Donc, en cours fournisseur, c'est tout simplement fournisseur quand rattaché, simplement. Achat TTC, parce que là aussi, j'achète en TTC. D'accord? Je multiplie par 360. Donc, fournisseur quand rattaché, j'ai le montant direct ici, les données. Fournisseur quand rattaché, c'est 8500. C'est clair? Et je passe au calcul de l'achat. L'achat, c'est quoi? Donc vous avez achat retenu, revendu pardon, de marchandises, c'est l'achat plus quoi? Plus la variation du stock, c'est-à-dire stock. Voilà, donc c'est la formule. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir l'achat. Parce que j'ai l'achat revendu, mais je n'ai pas l'achat. Moi j'ai besoin de l'achat pour calculer un petit peu ce ratio. Donc l'achat est égal à l'achat revendu de marchandises, tout simplement les éléments j'ai pris de stock. Parce que j'ai plus stock initial, donc quand tu vas revenir de l'autre côté, ce sera moins stock initial, plus stock final. Est-ce que c'est clair? Et je remplace chaque élément avec sa valeur à partir des données dont je dispose. Donc j'aurai achat, le montant de l'achat hors taxe est de 31 000, je multiplie par 1,2 pour avoir la charge en DTC. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes en train de copier comme ça, vous aurez ce fruit compris tout à l'heure. Essayez de comprendre. C'est clair? Donc voilà, je reviens à la formule du ratio pour calculer en termes de jours. Donc j'ai crédit contre attaché qui représente mon cours fournisseur de 2500 et j'ai calculé l'achat TTC. Et j'ai calculé l'achat TTC, il est de 37 200 multiplié par 360 jours. J'ai la valeur des fournisseurs en jours, c'est-à-dire 82 jours. Donc j'ai la valeur du stock en jours, c'est 55, je crois. J'ai la valeur des créances en jours, c'est 59,5 jours. Et j'ai la durée fournisseur, tout simplement, ce que j'ai donné comme facilité à fournisseur, donc c'est en fonction un petit peu des achats, donc c'est 82 jours. Est-ce que c'est clair? Donc tout ce que j'ai fait, c'est de remplacer. J'essaie un petit peu de calculer les éléments, je remplace dans la forme. Donc essayez un petit peu de maîtriser ces formules. Quitte un petit peu à prendre l'intitulé qui figure dans le bilan. Si vous n'arrivez pas à maîtriser un petit peu en fournisseur, donc automatiquement je cherche fournisseur non rattaché. Donc au lieu de mettre en fournisseur, vous pouvez mettre client non rattaché. Parce que c'est ce que vous allez trouver dans le bilan. C'est bon? J'ai calculé, donc on a dit la première étape, c'est de calculer l'ensemble des éléments du fait du bilan, du maximum circulant en termes de jours. Dans le bilan, ça figure en dirhams. Je dois les interpréter un petit peu, les changer, les avoir en jours. Mais ce n'est pas homogène. J'ai en jours, j'ai le TTC, j'ai leur taxe, ce n'est pas homogène. Donc je dois avoir plus, en plus du jour, je dois avoir une autre unité supplémentaire, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise. Toujours par rapport à quoi? Par rapport au chiffre d'affaires. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc je dois tout simplement calculer les coefficients de pondération. Le pourcentage de chaque élément par rapport au chiffre d'affaires. Pourcentage des stocks en jours par rapport au chiffre d'affaires. Pourcentage des créances en jours par rapport au chiffre d'affaires. D'accord? Des personnels, des charges sociales, c'est-à-dire des types d'organismes sociaux, la TVA, etc. Donc les éléments d'exploitation sont regroupés en besoins de financement, c'est-à-dire stock, clients, etc. Ressources de financement pour fournisseurs, etc. La plupart du temps, ce sont les éléments que vous allez trouver, c'est-à-dire les plus utilisés. Donc pour chaque élément, on calcule le pourcentage qu'il représente par rapport au chiffre d'affaires. Sa pondération par rapport au chiffre d'affaires. Il représente par exemple 20% du chiffre d'affaires en jour. Donc, puis on multiplie le rapport obtenu par le délai d'écoulement spécifique à l'élément envisagé de manière à obtenir le nombre de jours chiffre d'affaires, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on représente. Donc, le calcul, et par la suite, je passe au calcul, bien sûr. Donc, je passe au calcul de BFR. BFR d'exploitation, c'est comme le besoin de rendement, c'est toujours la même chose. L'actif circulant, exploitation, bien sûr, moins le passif circulant. Qui est égal. Donc, je prends l'ensemble des éléments de l'actif, c'est-à-dire le stock, client compte rattaché, état débiteur, surtout la TVA récupérable, moins le passif circulant, c'est-à-dire les fournisseurs, dette personnelle, c'est-à-dire parce que je dois payer mes avoirs personnels, les organismes sociaux, plus la TVA facturée. Et comme ça, je vais calculer un peu le BFR d'exploitation. Donc, vous avez une application, donc au titre de l'année N, la société GERSI envisage de réaliser un chiffre d'affaires de 3 millions de dirhams hors taxe. Je passe rapidement parce qu'avec du blabla, on n'allait pas vraiment très bien comprendre. J'essaie un petit peu d'expliquer, mais il y a des gens qui me regardent comme ça. Donc c'est en chiffre, en exerçant un petit peu, en s'entraînant, vous allez mieux comprendre ce que je vous raconte. D'accord? Tout simplement, essayez de retenir. Dans un bilan, j'ai les montants, on dira bien sûr. Moi, je ne veux pas ce qui est maintenant, 31-12, mais ce qui va arriver l'année prochaine, l'année d'après, etc. Donc, je dois avoir BFR en fonction du chiffre d'affaires. Pour cela, ça va pas tomber comme ça du ciel, je vais passer par les différents éléments. Donc j'essaie un petit peu d'avoir les éléments du passif circulant au jour chiffre d'affaires et les éléments du passif circulant au jour chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le stock au chiffre, au jour chiffre d'affaires. Combien représente? Maintenant 20% chiffre d'affaires. 20% chiffre d'affaires, donc ça représente jour chiffre d'affaires, bien sûr, etc. Donc nous allons essayer de voir ça. C'est une application que vous devez faire normalement, vous allez essayer de la faire chez vous, donc on va la séance prochaine. Donc essayez d'apprendre, donc normalement je vais vous déposer le polycope tout à l'heure, mais essayez d'apprendre quand même, au cas où. Donc aussi, je l'explique, vous pouvez vous bien faire. Ben tant mieux. Donc essayez de prendre l'application, on va continuer la séance prochaine, merci. واش غادي تحطو قريب؟ وانا كنصوب كنكتب ونزرف وانا قلت لك انا كنت باغي نقول لك راه قالت لك ماشي اوكي مزيان من جيب ها؟ قالت لك ماشي بالضروره ولكن اخي راه اللي كتكتب كتطلق يدك كتولي عندك الخط مزيان لا والله الا كيلعب دور كيلعب دور اخي ياسر آخر كلمة. وأن الحضور ها؟